رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا التاسع في دراسة كتاب المورد العذب الزلال للشيخ العلامة شيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. C'est notre neuvième rencontre autour de l'étude de ce livre qui est la source abondante et délicieuse de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala, et le cinquième chapitre. Nous sommes dans le cinquième chapitre qui est un éclaircissement sur la voie des prophètes alayhi wassalatu wassalam dans la da'wa. Wa nahnu fi al-bab al-khamis alladhi huwa bayan li manhaj ar-rusul fi da'wati min Allah 'azza wa jalla. وهنا يبدأ الشيخ بعد سياق أدلة من القرآن، فيبدأ الشيخ بسياق في سياق الأدلة على هذا الأصل من السنة. Et maintenant, Cheikh, de commencer après avoir terminé de citer les preuves du Coran sur ce principe qui est le fait d'appeler vers le monothéisme. Maintenant, Cheikh, il nous cite les preuves dans la Sunna du Prophète عليه الصلاة والسلام. فيقول حفظه الله تعالى: فمنها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة المسافرين عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخيفا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. Voici le premier hadith que nous cite Cheikh Ahmed حفظه الله تعالى. C'est un hadith de Amr ibn Abaza rapporté par l'imam muslim dans le livre La prière du voyageur. Il dit de Abi Umama a dit que Amr ibn Abaza al-Sulami a dit: j'étais pendant l'époque d'Al Jahiliya, c'est-à-dire avant qu'il se convertisse à l'islam, je croyais que les gens dans la Jahiliya et dans ce qu'ils faisaient étaient dans l'égarement. Et comme le fait qu'ils adorent les statues, etc., ils étaient dans un égarement. Et j'ai entendu parler de ce homme de la Mecque qui annonce des choses. Et j'ai pris ma monture et je suis parti vers lui, c'est-à-dire vers le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: quand je suis arrivé à la Mecque, j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur et que son peuple était audacieux vis-à-vis de lui, hein, et qu'ils étaient méchants avec lui. Il a dit: j'ai fait doucement pour arriver jusqu'à lui. J'ai pris mes précautions pour arriver à lui, pour aller le voir directement quand j'étais à la Mecque. Et quand je l'ai rencontré, hein, je lui dis: qui tu es? Il m'a dit: je suis prophète. Il dit: c'est quoi le prophète? Il a dit Rasulullah m'a envoyé. Je lui dis: avec quoi il t'a envoyé? Et il m'a dit: il m'a envoyé avec l'ordre de entretenir les relations familiaux et de casser les statues, et que on réserve le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et qu'on ne fasse pas d'associer à Allah Azza wa Jal. Très important. De réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, de ne pas faire d'associer à Allah Azza wa Jal. Je lui dis: mais qui est avec toi sur ce chemin maintenant? Il a dit: un homme libre et un esclave. Et à ce jour-là, quand cet homme est venu voir le prophète, ce jour-là, qui était sur l'islam avec le prophète, parmi les hommes, il y avait Abu Bakr wa Bilal. Parmi ceux qui ont cru avec, au prophète. Et je lui ai dit, je vais te suivre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu ne pourras pas aujourd'hui. Regarde la situation dans laquelle je suis, regarde les gens, la réaction des gens vis-à-vis de moi. Mais retourne chez toi. Et quand tu entendras parler que ma da'wa est apparente, viens à ce moment-là. Wa shahidu fi hadha al-hadith qawlu arsalani bi silati al-arham wa kasri al-awtan wa an yuwahhida Allah wa la yushraka wa an yuwahhida Allah wa la yushraka bihi shay. Fa ayyu da'watin la taqumu ala hadha al-asas fa hiya da'watun batila ittakhadhat tariqan غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Le témoignage dans ce hadith, nous dit Cheikh Najmi, c'est la parole du prophète alayhi salam qui dit j'étais envoyé, Allah m'a envoyé avec le fait d'ordonner, le fait d'entretenir les relations familiales et de détruire les statues et d'unifier Allah Azza wa Jal dans le culte et de ne pas faire d'associer Allah Azza wa Jal. Et toute da'wah du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala qui ne s'accomplit pas sur cette base, sur l'appel au monothéisme, dont la base n'est pas l'appel au monothéisme, c'est une da'wah qui est nulle et qui est fausse et qui ne donnera pas de fruits. Toute da'wah qui ne prend pas le chemin du prophète alayhi salam, ben il est nul et non avenante. Car tout ce qui est construit sur des faux, il est faux. Et il cite une citation du Coran ici où l'ordre est donné à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de dire dis, ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah, vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, azzawajal, avec science, moi et ceux qui me suivent. Avec science, moi et ceux qui me suivent. L'appel il se fait, l'appel vers Allah, azzawajal, et avec science. Wal basiratu hiya al-ilm. هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في دعوته وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي في دعوته رحمة الله عليهم جميعا. البصيرة ici c'est la science, c'est de connaître la da'wa du messager عليه الصلاة والسلام, c'est de connaître le message qu'ils ont transmis et c'est de connaître aussi les bases sur lesquelles s'accomplit la da'wa et de marcher sur cette voie comme il a fait Cheikh Mohamed ibn Abdullah, rahmatullahi alayh, dans sa da'wa, et comme a fait Cheikh Ahmed ibn Najmi, hafidhahullah ta'ala, qui est Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarawi, rahmatullahi alayh, quand il est arrivé dans le sud, hein, dans Jazan et sa région. Hein. Donc, ici, Cheikh, il attire notre attention sur le fait que notre da'wa, sa base doit être la science. Hein. Il doit être basé sur la voie du prophète alayhi salam. L'une des bases principales de la da'wa, c'est qu'il soit sur la même base que les messagers alayhi salam. Si on veut que la da'wa donne ses fruits, comme a fait Cheikh Mohamed Abdelhab, regarde le fruit. Tu crois que cet éveil, et ce retour, et cet acharnement à s'occuper de la sunna, etc., et du monothéisme, tu crois qu'il vient du vide comme ça? Par ces efforts qu'ont fait ces hommes, qu'a fait Cheikh Mohamed ibn Abdullah, rahmatullah alayh, et ceux qui l'ont précédé, et ceux qui sont après lui, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, hafidhallahu al-jami', et les autres. Hein? Rien, aucune chose ne vient du vide. Ce retour des jeunes, et cet accourement, et cette soif d'apprentissage, et de vouloir pratiquer la sunna, et d'apprendre la sunna, ceci, c'est tout, c'est un travail de longue haleine qu'ont fait les pieux avant nous. Ridwanullahi alayhim wa rahmatullahi alayhim. Wa yaqulu hafidhahullahu ta'ala ad-dalil ath-thani aw al-mithal ath-thani at-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi wa qad dhakara qissatahu ibn Ishaq an Ibrahim an Uthman ibn al-Huwayrit an Salih ibn Kisan an at-Tufayl ibn Amr wa hadha al-isnad munqati' ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف. وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموي أخرجه في مغازيه من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الطفيل, وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح باذان. ولبعض هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، وقد ذكر هذه الرواية إمام النقاد الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، ولم يردها بل ذكرها مقرا لها. وكذلك أيضا ذكر ابن كثير في ترجمة طفيل بن عمرو، والقصة هي دونك لا دوزيام بروف سينو لو دوزيام اكزومبل. طفيل بن عمرو الدوسي اي سون استوار الى ايتي سيتي دون لو ليفر دبن اسحاق دون لا بيوغرافي دو بروفيت عليه الصلاه والسلام دبن اسحاق. ابن اسحاق لو رابورت دو ابراهيم لا رابورت عثمان بن الحويرث كي لا رابورت دو صالح بن كيسان كطفيل بن عمرو. Et cette chaîne de transmission, il y a une coupure dedans. Il y a un maillon de la chaîne qui manque. Et Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayh a cité cette histoire dans le livre L'Isti'ab. En résumé, il l'a cité de la voix de Tariq al-Kalbi. Il est aussi faible. Et Dahab rahmatullah alayh a cité dans la biographie de Tufail ibn Amr que Yahya ibn Sa'id al-Omawi a cité cette histoire dans le récit des batailles, de la voix de Kalbi, de Abi Saleh, de Tufail. Et cette chaîne de transmission aussi, elle est faible. Pourquoi? Pour la faiblesse de Kalbi. Et son cheikh qui est Abi Saleh Badan. Mais cette histoire a d'autres témoignages dans les authentiques et dans le Musnad d'El Imam Ahmed. Et cette histoire a été citée par l'imam des critiqueurs, l'imam de la critique, Dahabi rahmatullah alayhi, il a cité cette histoire dans Sir Alam Nubala. Et il ne l'a pas refuté, il a confirmé cette histoire, il a cité cette histoire en la confirmant. Et aussi, Ibn Kathir rahmatullah alayhi a cité cette histoire dans la biographie de Tufail Ibn Amr. Et l'histoire est comme ceci. Voyez un petit peu le travail dans la transmission est quelque chose de très important. Quelque chose qui s'appelle Isnad, qui s'appelle la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, comme a dit plus d'un des plus aïeuls de cette communauté, comme Ibn Sirin, Abdullah ibn Mubarak, etc., la chaîne de transmission, c'est une particularité de cette communauté. C'est-à-dire tout événement qui arrive ou toute chose, on peut la vérifier par les chaînes de transmission. Et Abdullah ibn Mubarak, de citer cette parole, dit « La chaîne de transmission, c'est l'arme de tout croyant. Comment tu peux partir en guerre alors que tu n'as pas d'arme ?» Alors la chaîne de transmission du musulman, la chaîne de transmission est une arme pour refuter tout ce qui est blâmable, tout ce qui est faux, et pour accepter tout ce qui est vrai. C'est une citadelle de protection. C'est un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a doté cette communauté, il a fait particulier à cette communauté pour protéger la religion de cette communauté, pour protéger la voix de Mohammed alayhi salam, la voix du puiseur d'Allah alayhi. Ça, les orientalistes, ils sont ébahis devant la minutie de la science de la transmission. Ils perdent leur béaba, leur latin, ils le perdent devant l'étude des chaînes de transmission, etc. C'est eux qui le reconnaissent. Montrez les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté. Pas n'importe qui peut dire n'importe quoi dans la religion de Allah azza wa jalla. Il y a une police qui est infaillible, qui est l'étude des hommes et les têtes des chaînes de transmission. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala comble de cette étude les étalons des hommes de science de cette communauté. Les meilleurs, c'est eux, ils sont. Parce que c'est une spécialité dans la spécialité et qui demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que la science des hommes, il y a peu dans l'histoire de la communauté musulmane, les hommes qui s'en occupent sont peu nombreux. Parce que c'est un travail de longue haleine. Et وَالْقِصَّةُ يَقُولُ الشَّيْخُ وَالْقِصَّةُ هِيَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنُ عَمْرٍ قال كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات من قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثونني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا ساد أذني. فقال فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا أي قطنا، ثم غدوت إلى المسجد. الاستوار que cite Cheikh Hamd Najmi ici, c'est que Tufayl ibn Amr a dit: j'étais un homme poète et un noble parmi les nobles de ma tribu. Je suis arrivé vers la Mecque et les hommes de Quraysh se sont avancés vers moi. Ils m'ont dit: tu es un homme, un poète et un homme de poésie et un noble parmi ton peuple. Nous avons peur que tu rencontres cet homme, en parlant du prophète alayhi salam, et que tu écoutes cet homme, et que cet homme, sa magie t'emporte, parce que sa parole, ce n'est que de la magie. Fais attention, hein, que cet homme ne s'immisce pas en toi et dans ton peuple, et qu'il rentre entre vous, car il divise l'homme et son frère, et la femme et son mari, et l'homme et son fils. Et il dit: par Allah, ils ont continué à me décrire, à me parler ainsi, et à m'interdire d'écouter le prophète alayhi salatu wasalam, jusqu'à ce que je me suis dit: par Allah, je ne rentrerai pas dans la mosquée sans fermer mes oreilles. Et il dit: je suis allé vers, du coton je l'ai pris, j'ai fermé mes oreilles. Et il a dit: je suis rentré dans la mosquée. فإذا بالرسول قائم في المسجد فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها من قبيحها، والله لأسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا ولا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته، فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فعرض علي دينك، فعرض علي الإسلام فأسلمت. Et donc il est rentré à la mosquée. Il dit: je suis rentré à la mosquée. Alors le prophète alayhi salatu wasalam, debout dans la mosquée, et je me suis mis à côté de lui. Je suis resté debout à côté auprès de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que j'entende certaines de ses paroles. Et je me suis dit en moi: par Allah, ça c'est l'incapacité. Je suis quelqu'un doué de raison, hein? Et les situations ne sont pas, hein? J'arrive à discerner les choses, le bien et le mal. Par Allah, je vais entendre ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit est bon, ben je prends. Si c'est mauvais, je vais l'éviter. Et il a enlevé le coton qu'il avait dans ses oreilles. Et il a dit, quand il a entendu la parole du prophète alayhi salatu wasalam, il a dit: je n'ai jamais entendu une belle parole que les paroles que j'ai entendues aujourd'hui. Il a dit: j'ai jamais entendu de la parole de l'humanité des paroles pareilles. Et il a dit: gloire à Allah, je n'ai jamais entendu une belle et une noble parole telle que je l'ai entendue. Et il a dit: quand le prophète alayhi salatu wasalam est sorti, je l'ai suivi. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je l'ai suivi et je suis rentré avec lui chez lui. Il dit: oh Mohammed, ton peuple est venu vers moi, il m'a dit ceci et cela, et je lui ai annoncé tout ce qu'a dit son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que j'entende tes paroles. Et je me suis dit en moi que ce que tu dis, si la vérité, alors expose-moi ta religion. Et lui a exprimé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam et il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam, malgré les avertissements des mécréants, etc. هذا يعني أن هذا الرجل رجل عاقل يقول أسمع وأميز وإذا كان عند الرجل شيء طيب أخذته وإذا كان غير ذلك تركته ويا ليت الشباب فيما يختص بعلماء الأمة وعلماء الدعوة السلفية يربون على هذا الآن الشباب تقول لهم قيادة التنظيم تنظيم جماعتهم لا تسمعوا لفلان لا تسمعوا للشيخ ربيع لا تسمعوا للشيخ الألباني لا تسمعوا للشيخ بن باز أو للشيخ عبيد أو للفوزان العثيميين لا تسمعوا للشيخ النجمي ولا تسمعوا للعبيكان ولا تحضروا دروس هؤلاء فيمتنعون أو لا تسمعوا لفلان من دعاة الدعوة السلفية فيمتنعون ويسمعون ويطيعون ما فيهم أحد يا رشيد يقول أنا أسمع وأنا أقرأ الكتاب لماذا تحجرني من كتب الشيخ ربيع لماذا تحجرني من كتب الشيخ النجمي حفظه الله أنا أخذ كتبهم وأقرأها وأخذ أشرطتهم وأنصت إليها فلا يا ليتهم يفعلون هكذا يروا ما حقيقة دعوة الشيخ ربيع ما حقيقة دعوة الشيخ النجمي ما حقيقة دعوة الشيخ عبيد ما حقيقة دعوة الشيخ مقبل وما حقيقة دعوة أئمة الدين وأئمة الدعوة السلفية في هذا الزمان Donc regarde maintenant cette situation de cet homme. Essaye de la claquer sur notre milieu maintenant. Cet homme, les mécréants se sont tournés autour de lui et lui ont dit n'écoute pas le prophète عليه الصلاة والسلام. Il va t'attirer par sa magie, par la magie de son verbe. Lui, il s'est dit, moi, je suis un homme doué de raison. Je vais écouter. S'il a quelque chose de bon, je prends. S'il a quelque chose de mauvais, je m'éloigne et je le laisse. Et c'est la jeunesse maintenant, en ce qui concerne les hommes de science et les savants de la voie des plus aïeux, et les savants d'El Dawes Salafia, agissez ainsi. Maintenant, les jeunes ont leur direction et la direction de leur groupe leur dit ne lisez pas les livres d'El Cheikh Rabia. Ils ne lisent pas. Ne lisez pas et n'écoutez pas Cheikh Najmi. La même chose. N'écoutez pas Cheikh Rabia. La même chose. N'écoutez pas Cheikh Ubaid. N'écoutez pas Cheikh Al-Albani. N'écoutez pas Cheikh Ibn Baz. Ils s'abstiennent. Non, ils font rien. Là, ils s'arrêtent. Hein? N'allez pas au cours de tel parmi les du'ad d'El Salafia. Ils ne font pas fonctionner leur jugeote un peu. Pourquoi tu m'interdis de lire le livre d'El Cheikh Rabia? Pourquoi tu m'interdis de lire le livre d'El Cheikh Najmi? Pourquoi tu m'interdis de ne pas écouter alors que c'est des hommes reconnus de science et reconnus être dignes de la voie de leur puiser et d'être sur la voie et de défendre la sunna du prophète? Pourquoi tu me les interdis? Et pourquoi les jeunes ne se disent pas « Je vais lire ce livre, je vais écouter ces cassettes du Cheikh Rabia, le Cheikh Najmi pour voir ce qu'il y a. Hein? » Maintenant, notre problème maintenant, ici, par exemple à Bruxelles et ailleurs, notre problème c'est que maintenant, les hommes de science, on les met de côté. À tel point que certains prêcheurs qui font partie du groupe de Adnan, il dit « Hada, il fait du prêche en Allemagne. » Et il dit « Bon, Cheikh Rabia, c'est un homme qui crée le fitna. Cheikh Al-Fawzan, c'est un demandeur de science. Et Adnan, c'est un lama. Mais partez, t'as raison, ya Foulan. Qui est l'alim dans ce que tu sais? L'alim, c'est Cheikh Al-Fawzan. Où tu es? Est-ce qu'en agissant ainsi, tu es en train de conseiller la communauté? Ou là, tu t'es tourné la communauté vers ton groupe et vers les principes de ton groupe? Hein? Le problème maintenant, il se pose qu'on nous oriente vers Bounayat Tariq. Hein? Et on nous dit tourne des grands. Subhanallah. L'autre, il dit il faut aller chez Sallam. Là, yahi Sallam, il a des erreurs. Ahmed Sallam, en Hollande, il a des erreurs. Il y a une épître qui a été préfacée par Cheikh Ubaid, cette épître écrite par un kurde qui a réuni toutes les erreurs de Sallam. Et Sallam, il fait partie de la voie de Ar'ur. Il dit Cheikhouna, Cheikh Al-Our. Hein? C'est la même clique. C'est le même groupe. Et on reconnaît, on sait ce qu'il a, qui est chez Adnan. Comme quoi, il a dit dans un charit, hein, charit, je l'ai écouté de mes propres oreilles, qu'il y a, dans le monde contemporain et actuellement, celui qui a travaillé au mieux la voie, le menhej, c'est Sayyid Qutb dans son livre, Dilal al-Qur'an, et j'allons sur la route. Iyadan billah. J'allons sur la route dans laquelle il y a le fait qu'on rend mécréant toute la population de la terre. Tu dis que c'est un livre qui travaille le menhej? Subhanallah. Comment on trahit la communauté? Comment on oriente les jeunes maintenant? Il faut faire très attention. Où est-ce qu'on va? Comme il a dit, Ibn Sirin, regardez chez qui vous prenez cette religion. Votre science, la science de votre religion. Car cette science est une religion elle-même. Et quand les hommes de science, ils parlent pas du vide. Ils parlent pas du vide. Les critiques sont là. Les erreurs sont là. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas eu des gens qui sont revenus sur ces erreurs. Il n'y a que des insultes à Cheikh Rabé, des insultes à Cheikh Obeid. C'est tout ce qu'on entend de ces gens-là et de ceux qui les suivent. On traite Cheikh Rabé de Ftan, etc. Mais c'est eux, en réalité, les Ftanis, ce n'est pas Cheikh Rabé. Cheikh Rabé, il conseille la communauté. Cheikh Rabé craint Allah Azza wa Jal, il veut que la communauté soit claire dans sa voie. Ça c'est une erreur. Il parle pas du vide, chaque fois qu'il cite une erreur, il te sort l'erreur du livre de laquelle il a cité, page, édition, etc. Il te ramène la preuve de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, des actes des puiseurs d'Allah, comme quoi ça c'est une erreur, et que c'est une erreur qu'il faut refuter. Hein? Il faut faire très attention. Donnons notre entourage maintenant. Il est très dangereux. Et on est dans un tourbillon d'ambiguïté ici. C'est pas sur quoi on est assis. Hein? Ouais, ils sont tous gentils. Ouais, non, on te dit pas le contraire. On te dit pas qu'ils sont pas gentils. La question, c'est pas être gentil ou pas gentil, c'est une question de religion. Est-ce que tu acceptes que le faux s'y mette dans ta religion, dans ta voix? Là, c'est très dangereux. Si c'était dunya, les choses de ce bas monde, là, peut-être tu fermes les yeux, comme l'a dit un de nos pieux. Mais il s'agit de la religion. Et Cheikh Rabir, Cheikh Ubaid, Cheikh Najmi, et ces hommes qui ont voué leur vie. Cheikh Rabir, il a voué sa vie à faire ce travail. La critique des groupes, la critique des livres, et la critique des erreurs des personnes. Il n'a aucune haine vis-à-vis de qui que ce soit. Lui, il fait dua pour que les personnes reviennent à la vérité. Hein? Et là, son temps, il l'a donné pour ça. Parce que c'est un combat sur le santé de l'âge. Il sait ce qu'il fait. Hein? Il le fait avec preuve. Et en ramenant la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, la voie sur laquelle il est. Et il ne dit pas qu'il est ma'soum. Ou loin de là. Il dit, si vous trouvez une erreur dans ce que je dis, ramenez-la, je reviens. Hein? Et dans tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, comme il l'a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, il a dit, dans tout ce que tu as fait, je n'ai pas vu une erreur. Tout est vrai. En ce qui concerne Sayyid Qutb et autres, tout est vrai. Hein? Nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Et les jeunes, vous devez aussi vous préserver. Et savoir à qui vous donnez vos oreilles. Et savoir avec qui vous orientez vos cœurs. Hein? Pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On ne dit pas le contraire. Mais il s'agit d'une religion. Il s'agit de l'agrément de l'Allah, Azza wa Jal. Hein? C'est pas, hein? On se réunit pour se réunir là, on se réunit pour la vérité. Il est évident que certaines vérités font mal et sont amères. Bah, dis-toi bien, le médecin, quand tu vas, il te donne un médicament, le médicament, si tu le croques, il est amer. Bah, tu passes par là pour, il t'interdit même des choses que tu aimes. Il te les interdit pour que tu guérisses. La même chose est à l'islam. Il est des choses, parce que tellement on était habitué à un langage et à des gens qui nous embobinent, etc., et qu'il y a eu un attachement du cœur. Le problème, c'est que on s'est attaché par le cœur à des personnes. Et ça, c'est l'une des grandes erreurs. C'est que souvent, dans ces groupes et dans ces gens, on lit les gens avec les gens. On ne lit pas les gens avec l'haq. Il dit qu'un homme de science montre une erreur d'un de ses emblèmes, c'est le tremblement de terre. Subhanallah. Tu suis la vérité. Qal Allah, qal Rasul, qal Sahaba, ou là tu suis Abu Qatada, Abu Hamza, Adnan et Salam et autres. Là, y a l'islam. Ce n'est pas comme ça. Le cœur, on aime les gens pour la sunna, pour ce qu'ils pratiquent de la religion, etc. On les aime pour ça. Mais quand arrive la vérité doit être au-dessus de tout. La vérité, c'est la vérité. Et on ne connaît pas la vérité avec les gens. On connaît les gens à travers la vérité. Les gens, leurs actes, leur dire, ce n'est pas un emblème de la vérité. Mais Houma, ils sont pesés, on les pèse avec la vérité. Hein? Il faut faire la différence. Il ne faut pas que chaque fois, on se penche, on se laisse aller. Faïda kana inda sheikh l'allama sheikh rabi'a. Qu'on déplaise à certains. Ida kana inda l'allama sheikh rabi'a. Ilmun wa fa'ida. Wa tahqiq. Akhadtu bih. Wa in kana ghayru dhalik. La ubali. Walakin anhal shabab fa'alouna hada. لا هذا يدل على أنهم لا عقول لهم يقادون ويفعلون كما قال من ورثوا عنه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذه قاعدة شركية كيف من الآن بالرؤوس الرؤوس يقول لك ها أنا ما قرأت للشيخ ربيع ولكن الشيخ ربيع يكفر سيد قطب سبحان الله أنت ما قرأت له أهديت لي كتب الشيخ ربيع ما قرأتها وقيل لي أنه يكفر سيد قطب يا أخي هذا كذب وافتراء على الشيخ ربيع أبدا ولا إمام من أئمة الدين كفر سيد قطب من أئمتنا فو أغطي با باسكو ها Il a une parole similaire à la parole des hommes d'El Salaf, que ça y est, on s'oriente tous, on se... Là, il y a l'islam. Hein? Maintenant, l'éminence, Cheikh Rabi', si dans ses livres, il y a des choses à retenir, je les prends. S'il y a du faux, bah, je l'évite. Et pourquoi maintenant on me dit, ne lis pas ce livre et je laisse. N'écoute pas Cheikh Rabi', ça y est. Hein? Ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve que les jeunes n'ont plus de raison, on les guide. Ils sont télécommandés, fais ça, fais, etc. Et ceci, c'est une règle qui vient de l'associationnisme. Hein? Ceux de qui ils ont hérité cette règle ont dit, n'écoutez pas ce Coran et dites n'importe quoi sur ce Coran. Hein? Vous allez peut-être avoir gagné. Hein? Non, et qu'on arrête. Maintenant, certains gars parmi les têtes ici chez vous à Bruxelles disent, moi, je n'ai pas lu les livres d'Yel Cheikh Rabi'. Mais on m'a offert les livres d'Yel Cheikh Rabi', je ne les ai pas lus. Mais on dit que Cheikh Rabi', il remet crayon Sayyid Qutb. Mensonge. Subhanallah, tu ne l'as pas lu. Donc comment tu peux le décréter? Prends. Hein? Pour ça, il ne faut pas se faire avoir de quelqu'un, il a un langage qui est similaire ou là, qui ressemble aux paroles d'Yel Salaf, que ça y est, on tombe dedans. Là, il y a l'islam. Il faut une particularité. Il faut cerner les choses. Il faut regarder. Subhanallah, depuis quand? Par Allah, Cheikh Rabi' il n'a pas rendu mécréant Sayyid Qutb. Il n'y a aucun des savants de la communauté qui a rendu Sayyid Qutb mécréant. Hein? Pourquoi vous montez sur Cheikh Rabi'? Parce que vous avez quelque chose derrière. Parce que Cheikh Rabi', tous les emblèmes de votre voix, il a montré leurs erreurs. Il les a dévoilées. Et donc c'est les jeunes tombent dans les livres d'El Cheikh Rabi', bah personne ne va vous suivre après. C'est fini pour vous. Vous êtes grillés. C'est fini. Fini. Votre parole ne pèsera plus rien sur le terrain. Et c'est de ça que vous avez peur. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils t'envoient des ambiguïtés. Ils t'envoient des barrières. Hein? Ils disent, « La t'sma'ou les foulain. La t'qra'ou les foulain. » يعني يريدون أن يحولوا بين الناس وبين الحق سبحان الله يمنعون الشباب من دروس وكتب سنة وأعلامها وبعضهم يبيتون الشباب يسمعون الأناشد وينظرون إلى ما شاءوا من الأفلام كما يفعل الياسينيين في جنوب فرنسا، ولعله عندكم كذلك هنا في بروكسل وفي كثير من المناطق، ويبيتون على التمثيليات ولعب الورق، يبيحون لهم كل ذلك. وأما كتب أهل العلم وأشرطة أهل العلم فيصدونهم عنها ويمنعونهم عنها. Pourquoi n'écoutez pas telle personne, n'écoutez pas tel savant, hein? Ils sont en train de se mettre, de mettre des barrières entre les jeunes et la vérité. Subhanallah. Ils interdisent aux jeunes de lire et d'écouter les livres des hommes de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et d'écouter les emblèmes de la Sunna à notre époque, hein? Et les défenseurs de la Sunna à notre époque. Et après, des fois, quand ils les sortent dehors, dans des excursions, aller dehors, etc., restent toute la nuit sur quoi? L'anachid, avec des instruments de musique. Yallah. Comme font les Yassiniens sur les plages du sud de la France, etc. Peut-être à Bruxelles, ils font de même, quand ils amènent les jeunes vers, je sais plus, Hadak, où ils ont les Ardennes et autres, etc. Hein? Les théâtres, basés sur quoi le théâtre? Mensonge. Les films, les histoires à dormir debout, le jeu de cartes et autres, et j'en passe. Tout ça, ils leur autorisent. Pourquoi? Pour les détourner des livres des sciences. Hein? Pour qu'ils aient plus le temps. T'occupes avec les sorties, avec les excursions, avec les compines, les matchs de football, le théâtre par-ci, la salle par-là, porte ouverte pour le groupe pour ceci, etc., etc. Tout ça, tu n'as plus le temps d'écouter Cheikh Rabi' ou le Cheikh Najmi ou de lire un des livres de Tipuzer, d'Allah alayhi. Tout ça pour que tu restes dans la cage. Tout ça pour que tu restes sous leur influence. Tout ça pour que tu restes cette petite machine qu'on commande de loin. Ainsi ils veulent de nous. Walakin alhamdulillah. Wa andur al-anidara aw ma'a al-shabab. Hada al-kitab alladhi natadarasuhu al-an, Mawrid al-Adab al-Zulan. Aw kitab min kutub al-Sheikh Rabi'. Nabaduhu kal-ba'ir al-ajrab. Wa huna fi Europa yamna'una bay'aha. Wa fi al-Maghrib wa fi ghayr la tadkhul hadhihi maktabat ba'dihim. Li'anna ha'ula'i al-mashayikh, وهؤلاء العلماء تكلموا في فلان وفي فلان، في عدنان تكلموا في فلان كذا كذا، بس تكلموا فيه بحق أو بباطل، تكلموا فيه بحق. ومما روي أن أحدهم وزع هذا الكتاب المورد العدب الزلال، وهذا الكتاب فيه تحذير من الحزبيات والأمور وتحذير من الأمور المخالفة للسنة، فنبذ وفصل من الحزب. نبذ كل قالوا هذا كتاب خطير على الشباب. نعم خطير على مناهجكم، ولكنه نافع للشباب. خطير على تربيتكم الفاسدة، نعم، فالله المستعان. فتذكر كذلك منذ 10 سنوات كانت هنا في مراكز هنا كتب الشيخ عبد الملك رمضاني كثيرة، مدارك النظر في السياسة، فحجزوها عندهم ولم يخرجوها للبيع. لماذا؟ إن فيها كلام على أبو القتادة، وفيها كلام على حمزة، وفيها كلام على الغزالي، وفيها كلام على عدنان عرعور وعايد القرني وسلمان، رموزهم. فالله سبحانه وتعالى يسر لبعض الشباب أن اشتروها كلها، وإلا كانت كما قيل لي كانت سيحرقونها. دونك اي سيل فوا ان ليفر كوم سيلويسي المورد العدل الزلال ولا ان دي ليفر الحد الفاصل بين الحق والباطل، الشيخ رابي سيان جون اي ديتيست سو جون، il lui parle plus, il l'évite comme on évite le chameau qui a la gale. La même chose. Ici en Europe, interdit même dans certaines régions, dans certaines sortes, on ne vend pas les livres de Cheikh Najmi ni de Cheikh Rabi'. On leur fait la guerre à ces livres. On les appelle les livres d'Yel Fitna. Ainsi, ils les appellent Aidan Billah. Et donc, c'est au Maroc et un petit peu partout. Certains ne les vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bah, il a parlé sur notre shir. Parce qu'il a parlé sur Adnan, sur tel et tel et tel. Bah, ça y est. On biocote les livres. Hein? On biocote la vérité. Hein? Et ce qui a été rapporté aussi à Cheikh Najmi, c'est que ce livre a été distribué. Hein? Et celui qui l'a distribué, plus personne ne lui parlait. Là-bas en Arabie, plus personne ne lui parlait. Ils l'ont délaissé. Ils l'ont éjecté de leur groupe. Ils l'ont délaissé comme on délaisse un chameau plein de gales. Ils disent que ces livres, dans lesquels il y a l'avertissement contre le sectarisme, dans lesquels il y a l'avertissement contre le fait de ceux d'être en divergence avec la sunna, ils disent que ces livres sont très dangereux pour les jeunes. Là, nous, on dit non, ces livres ne sont pas dangereux pour les jeunes, mais ces livres sont très dangereux pour les voix et pour votre, l'éducation que vous faites des jeunes. Ces livres sont dangereux pour votre voix parce que ça va détruire votre voix et vos principes sont tellement décortiqués par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète et la position du puisayeul dans ces livres que vous allez être dénudés devant. Votre réalité va apparaître claire aux jeunes. C'est pour ça que vous les combattez et non pas pour autre chose. Rappelez-vous. Hada, Madarik Nadar, il y a une dizaine d'années, il était là dans un des centres ici, il le bloquait dans leur stock, il ne le sortait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Madarik Nadar? Madarik Nadar, il y a une critique sur Abul Qatada. Hein? Il y a une critique sur le Ghazali, il y a des critiques sur Aïd al-Qarni, il y a des critiques sur Salman, sur Safar. Tous les emblèmes d'Al Sururiya al-Qutbiya, ils sont critiqués dans ce livre. Ben, il ne faut pas le vendre. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certains frères à cette époque de les acheter. Et de les sauver. Sinon, d'après ce que j'ai appris, c'est qu'ils allaient être brûlés. Combien de stocks de livres de Cheikh Rabi sont maintenant chez vous, à Bruxelles? Ils sont dans le stock, on les enferme. On ne les sort pas à la vente. Il n'y a pas. Pourquoi? Vas-y. Hein? Regarde maintenant dans les traductions. La tahzan. Ne sois pas attristé de Cheikh Aïd. Hein? Les traductions. Les vitrines maintenant, ils sont remplis avec ça. Du livre de Amr Khalid. À quoi ça va servir un livre de Amr Khalid pour un jeune? Hein? Ça va encore le conforter dans sa perversité. Hein? Ça va encore le conforter dans le laisser-aller dans lequel il est. Hein? Subhanallah. Regardez, est-ce que ça c'est le conseil pour les jeunes? Est-ce que ça c'est conseiller les jeunes? Est-ce que c'est ça remplir son devoir vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de ces jeunes? وكذلك جرى لبعض إخواننا في منتصف التسعينات في مدينة روبي في دورة صيفية أن كان بعضهم يبيع وسائل دعوة توقيفية للشيخ بن برزس لكن الذي مول هذه الدورة لم يعجبه الحال لأن هذا الكتاب لا يوافق مبادئه فأتى بالشيخ أحمد سلام وقال له هذا الكتاب وأتى الشيخ أحمد سلام إلى أخينا الذي مكلف بالدعوة فقال له كذا ف أخفي الكتاب هكذا عندما يكون الأمر كتاب أو شريط لا يناسب أفكارهم ومبادئهم يجب أن يدخل تحت الستار يجب فالله المستعان كتاب لا يتناسب مع أفكارهم فيحاربونه وسي سكي تاريفي وميليو دي زاني 90, une des premières Zawra à Roubaix, qu'elle était conviée et invitée Ahmed Sallam. Et les frères qui étaient à la tête de la Zawra, ils vendaient des livres. Et parmi les livres, ils vendaient Wasa'il Dawa, les moyens de la Dawa sont décrétés. C'est-à-dire, on ne peut pas faire n'importe quoi dans les. On ne peut pas faire du théâtre pour faire Dawa. Et ce livre n'a pas plu à celui qui avait financé. Donc, il ne correspond pas à ses principes. Il y a la voie sur laquelle il est. Il est allé chercher Ahmed Sallam qui est venu ordonner au frère qui était dans le stand de cacher ce livre. Pourquoi le cacher? Parce qu'il ne correspond pas à leur fondement. Parce qu'il va à l'encontre de leur dawa. Et parce que, hein, ils n'autorisent pas les théâtres, ils n'autorisent pas ce qu'ils appellent Anachid l'Islamia, ils n'autorisent pas plein de trucs pour Dawa, les films, la mode, et ainsi de suite. Vas-y, la liste. فهكذا يفصلون الشباب عن أئمة الدين وعن العلماء يفصلونهم عن ابن باز يفصلونهم عن الشيخ العثيمين يفصلونهم عن العلامة الألباني عن الشيخ مقبل عن الشيخ ربيع عن الشيخ عبيد ويفعلون بهم ما يريدون فكل هذه المتاهات التي يتيه فيها الشباب وكل هذا الضلال الذي ظل فيه الشباب وهذا الانحراف إلا عن بعدهم عن أئمة الدين وعن كتب أئمة الدين وعن المنافعين والمجاهدين لتبليغ هذا الدين ولتصفية هذا الدين ولتربية الشباب على دين المصفى حتى أصبح الشباب من يأخذ عن من ها؟ سيد قطب عمر خالد عمر الكافي وانت أري وترى المصائب والويلات وتدخل ماذا أصاب شبابنا فعلينا أن نأخذ العبرة هذا المشرك مثلا قال له القوم لا تسمع لرسول الله فسمع ووقع الحق في قلبه فكيف لا نفعل كذلك مع كتب أئمة هذا الدين أن نقرأهم ونسمع أشرطتهم الله المستعان غاد منتنو leur but c'est de séparer d'être une barrière et de séparer les jeunes des hommes de science. On les a séparés de Ibn Baz, on les a séparés de la science de Cheikh Al-Uthaymeen, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Mokbel, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, et ainsi, la liste est longue, de Cheikh Al-Fawzan, etc. Et on a fait de ce qu'on veut. Ces catastrophes qui sont arrivées, ici, là, et là, etc. Comment ils sont arrivés? Et après, les jeunes, ils se sont attachés à l'étoile d'araignée, au livre de Sayyid Qutb, Mohamed Qutb, Hada, Amr Khalid, et ainsi de suite. Et maintenant on se plaint. Pourquoi nos frères sont comme ça? Pourquoi les jeunes tombent dans ça? Ya Akhihad, l'égarement il est arrivé du fait que notre trait d'union avec les hommes de science a été coupé. Les hommes de science dignes du nom. Pas les savonnettes qui te font glisser. Le savon. L'alim al-Rabbani. L'alim qui éduque la communauté et qui l'éduque en commençant par les règles et qui l'amène. L'alim qui donne à la communauté les règles sur avec lesquelles il va être protégé et qui lui enseigne les fondements qui vont la protéger. Et pas les savonnettes sur lesquelles tu marches et tu glisses. Ou là tu suis et tu glisses. Hada non ya akhal islam. Hada, ta journée, tu l'as remplie d'histoires à dormir debout. Et des histoires à ne plus en finir. Et des fois, tu te demandes où je suis. Est-ce que je suis dans un cours islamique ou là je suis dans les mille et une nuits. Il était une fois. Subhanallah. Et des fois, des histoires, tu te demandes comment on peut gober ce genre d'histoires. Des histoires, Ayadan billah, Mar, tu sais pas. Moi, ce qui fait le plus mal au cœur, c'est des gens avec des QI, Zama, et avec des bac plus 10 ou la bac plus Martage. Ils sont là, ils écoutent ces histoires, ils les propagent. Ils les propagent. Ils sont éduqués dans un système rationnel, cartésien, comme tu veux, tout ce que tu veux. Malgré tout ça, ces histoires, ils les propagent. Et le Khader est vivant, il va le propager. Le Khader a fait une tournée, une jaoula avec Jamaat Tablir à l'île de la Réunion, etc. Et la mouche, elle aussi, est venue se repentir. Il s'est lavé avec Zemzem à la Mecque, et ainsi de suite. Vas-y, subhanallah. C'est quoi ça? Il s'agit de la religion. On est en train d'écouter un cours de religion. Là, on est en train de... Nos passeports sont tombés dans la mer, on ne sait plus quoi faire. L'émir a fait d'orkaat, la baleine est arrivée, il nous a ramené nos passeports. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Les douaniers ne voulaient pas nous laisser rentrer. On a mis Riyad Salihin dans le guichet. Ils ont dit, allez-y. Allez, arrêtez vos conneries. Subhanallah, réveillez-vous. Donc, quel pion vous êtes tombé? Subhanallah, c'est quoi ça? A'oudou billah. Hein? On n'arrête plus maintenant, c'est tout. Bah, la porte est ouverte à tout. C'est simple. Vous voulez un siège, allez, installez-vous sur la place Jam al-Fna, les conteurs d'histoire sont acceptés. Ou là sur le Bthafas, ou là sur n'importe quelle place. Mais ma boubour, à Paris, installe-toi, fais-toi conteur d'histoire. Tu vas ramasser beaucoup d'argent. Subhanallah. S'il s'agit de religion, la religion c'est qu'Allah, qu'un rasoul, et non pas des histoires à dormir debout. Hein? Faire très attention. Et quand tu entends quelqu'un t'avertir contre un homme de science digne du nom, Yahri, faut pas te faire avoir. Prends-toi la cassette. Prends le livre, dit le Cheikh Rabbi, va le lire. Tu peux pas. Prends quelqu'un dans lequel tu as confiance et qui est sur la bonne voie, qu'il te le lise, qu'il t'explique ce qu'il y a dedans, pour savoir la vérité. Regarde cet associateur. On l'a averti contre Mohammed alayhi salam, il a dit par Allah, moi je connais la parole, etc., je vais écouter. Et aussi un point essentiel sur lequel il faut que vous donniez le temps, le maximum de temps à la langue arabe. Comme ça, vous prenez la cassette de Sheikh Charles Al-Sheikh, vous l'écoutez vous-même. Vous prenez la cassette de Sheikh Rabi', vous l'écoutez vous-même. Vous voulez les livres et les cassettes d'El Sheikh Najmi, vous faites Ada. Et vous allez voir de vous-même qu'on est en train de vous mener en bateau. Hein? On est en train de vous mener en bateau. On vous avertit contre celui-là. Et demain contre l'autre. Et après, peut-être que le surlendemain, on va vous dire, mais non, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez lire Sheikh Rabi'. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça un des points très importants, c'est de s'acharner à maîtriser l'outil principal de cette religion qui est l'arabe et à s'attacher à la science des grands. Tu sais, les prêcheurs de Salafi de Hollande, une fois dans la voiture, Bouchta et le frère égyptien, il m'a dit si on calcule. C'est-à-dire qu'on a fait un calcul sur l'héritage que nous avons hérité maintenant de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Uthaymin. Il a dit, si nous voulons apprendre la science de ces trois montagnes, il nous faut 20 ans entre les cassettes et les livres. Tu as le temps à perdre. Hein? Mais la science, une matière qui est grasse et qui pèse, hein? Et qui est réellement le véhicule de l'héritage des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et non pas les histoires à dormir debout, et les logiques qui n'en finissent pas, et les théories sociales qui ne se terminent pas. Un jour c'est comme ça, ben on change parce que ça n'a pas marché, on rechange, etc. Loin de là. Fayaqulu radiyallahu ta'ala an arda, thumma qultu inni arja'u ila dawsin wa ana fihim muta' wa ad'uhum ila l'islam. لعل الله أن يهديهم فادعوا الله أن يجعل لي آية فقال اللهم اجعل له آية تعينه فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي وولدي فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن أنها مثلة لفراق دينهم فتحول فوقع في رأس صوتي فلقد رأيتني أسير على بعير إليهم وإنه لعلى رأس صوتي كأنه قنديل معلق قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني فلست منك ولست مني قال وماذا قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد قال أي بني ديني دينك وكذلك أمي فأسلما ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت ثم خدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غلب على دوس الزنا والربا فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا ثم رجعت إليهم وهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقمت بين ظهرانهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب وسبقني بدر وأحد والخندق ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة فقلت يا رسول الله الله ابتعثني الله يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه قال أجل فأخرج إليه فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حتيتا، فحيل بيني وبينه، فحددت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفري هذا. قال: فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك. انتهى. دونك يدي شو revenu vers داوس quand il a Il s'est converti, il est revenu vers Daous. Il a dit au prophète, alayhi salatu wasalam, je veux revenir vers ma tribu Daous. Et je suis quelqu'un qu'on oublie, qui est écouté dans ma tribu. Il a dit, je vais les inviter à l'islam. Dites que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les guider. Mais fais un dua pour moi, que Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne un signe. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui, que Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne un signe pour qu'il l'aide, pour guider sa tribu. Elle dit, je suis sorti. Quand je suis arrivé sur la colline qui donne directement sur ma tribu, j'ai vu mon père, qui est un homme, qui est un vieillard, ma femme et mon fils. Et quand j'étais sur la colline, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une lumière sur ma tête, entre mes yeux. Une grande lumière qui jaillit de là. On le voit de loin. Dans les ténèbres, dans la nuit. Et en descendant, on voit cette lumière. Et j'ai dit, oh Allah, je ne la veux pas entre mes yeux, ailleurs. Parce que j'ai peur qu'ils disent que ça c'est une défiguration parce que j'ai quitté leur religion. Regardez-le. Je ne la veux pas entre mes yeux parce que j'ai peur qu'ils disent que ça c'est une défiguration parce que j'ai quitté leur religion. Et cette lumière que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée s'est déplacée sur son fouet. Et en descendant avec sa chamelle sur le fouet, il voit tout. Une lumière éclatante. Hein? Comme si c'est une lanterne. Et son père s'est rapproché vers lui et lui a dit, loin de moi, père. Il m'a posé la question pourquoi. Il a dit, je me suis converti à l'islam. Et je suis la religion de Mohammed alayhi salatu salam. Et son père lui a dit, ta religion, c'est ma religion, tout de suite. Il en est de même pour sa mère. Et il a commencé à prêcher Daous vers l'islam, et Daous a refusé. Et si on t'était, il est venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Daous, ils sont emportés par zina, par riba, ils ne répondent pas à mon appel, etc. Il a dit, fais un dua contre eux. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour Daous. Il a dit, oh Allah, guide Daous. Il est revenu dans son peuple. Et le prophète alayhi salatu salam a fait l'immigration de la Mecque vers Médine. Il y a eu la bataille de Badr, et la bataille de Houd, et la bataille de Khandaq, et toutes ces batailles. Hada Tufail ne les a pas vécues. Il ne les a pas vécues avec le prophète alayhi salatu salam. Et après, il est venu vers le prophète alayhi salatu salam avec 80 familles ou 90 familles qui se sont converties. Pas 80 personnes, 80 familles. Hein? De Daous. Il est venu vers le prophète alayhi salatu salam. Il a été avec le prophète alayhi salatu salam au moment de la conquête de la Mecque. C'est-à-dire, il a assisté à la conquête de la Mecque. Il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regarde, envoie-moi pour détruire Dilkafain qui est une statue de Amr ibn Hamama. Envoie-moi le brûler. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vas-y, lui a donné l'ordre, il est parti. Et quand il est arrivé, il a allumé le feu sur cette statue et il l'a détruite. Et il est revenu vers le prophète alayhi salatu salam. Il est resté avec le prophète alayhi salatu salam jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu salam. Après, il est sorti combattre avec Abu Bakr Siddiq, Musaylama et les autres, avec son fils Amr. Et quand il était au moment d'aller vers la bataille d'Yamama avec Musaylama, il a vu un rêve, une vision. comme si sa tête était rasée. Et de sa bouche, il sortait un oiseau. Et lui, il rentrait dans les parties intimes d'une femme. Et mon fils, il dit, mon fils, dans la vision, il dit, mon fils m'appelle. Mais il y a quelque chose qui m'a séparé entre moi et mon fils. Il a dit, je l'ai annoncé à mon peuple, ils l'ont dit, c'est un bien. Et il a dit, mais moi, je l'ai interprété. Le fait que ma tête soit rasée, et le fait que je vois ma tête rasée, c'est que ma tête va être coupée. Et le fait que l'oiseau est sorti de ma bouche, c'est mon âme qui va sortir. Et la terre, et la partie intime dans la femme dans laquelle je rentre, c'est la terre dans laquelle je vais être enterré. Et il est mort martyr. Il n'est pas revenu de l'Yamama, il est mort martyr. Et il dit, quant à mon fils, qui me demandait et qui assistait à la demande, la séparation qu'il y a eu entre nous, c'est qu'il ne sera pas mort durant cette bataille. Et son fils est mort à une autre bataille, plus tard. La bataille d'El Yarmouk. Regarde. Regarde maintenant comment il a interprété. Comment il a interprété. Et regarde maintenant ceux qui s'occupent des rêves tous les matins quand ils sont dans leur ribat yassinine, quand ils sont dans leur... les 40 jours où ils s'enferment dans une maison, là les 3 jours pour dire que l'accès à Kifoli est sinit. Au moins, c'est tous les matins, celui qui a fait la prière, il dit, qui a rêvé un rêve, on va lui interpréter. Et lui interprète des interprétations à dormir debout. Regardez l'interprétation, cet homme, il l'a interprété lui-même. Il a juste raconté à ceux qui sont autour de lui, mais il l'a interprété lui-même. Alors que Hadouk, qui a fait un rêve, فانظر بارك الله فيك كيف أول رؤيته وكيف كانت كما أولها رضي الله تعالى عنه وارضاه وقعت كما رضي وانظر كيف وقعت كيف عن ابنه كذلك regarde avec moi maintenant comment il a interprété son rêve et comment il est arrivé comment il l'a interprété lui-même. ومنها كذلك يقول الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى ومنها قصة بلال وأنه كان يعذب ويقال له إلهك اللات والعزة فيقول أحد أعد فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال على ما تقتلونه فإنه غير مطيعكم مطيعكم قالوا اشتري فاشتراه بسبع أوراق فاعتقه c'est l'histoire de Bilal. On le châtie, on lui fait souffrir, on lui fait subir les grands châtiments. Il dit, ta divinité, ton seul, que tu dois adorer, c'est Lat il Uzza. Il dit non, unique, ahad, ahad, ahad. Et ceci est arrivé aux oreilles d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala. Il dit, pourquoi vous le combattez comme ça? Pourquoi vous voulez le tuer? Il ne va pas vous obéir. Il dit, alors achète-le. Et il l'a acheté avec une somme d'argent. Et on va arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu alaykum wa jazakum Allahu khairan.